partirai un jour. Une nuit. À travers bois dans la brume. À travers champs dans le noir. Avec pour seul bagage mon cœur. Rempli de grands souvenirs. Et de petits regrets. Le soleil des jours heureux, enfermé dans le creux de mes mains, et les nuages gris remplis de tristesse, je les abandonnerai tels des pierres dans la profondeur du puits de mes souvenirs. Ne retournerai ni sur les champs, ni sur les appels des êtres suppliants. Je ne verrai que toi, loin devant, me tendre la main, inondée de soleil, et le cœur joyant d'amour et d'allégresse. Efface mon corps et dispose de mon âme. Pour écrire une vie sur de nouvelles pages. Pour écrire une vie sur de nouvelles pages. Écrire une